Solo de Bruno. regarde, regarde la destruction. Regarde, mais regarde la dégradation. Regarde, regarde la désolation. Regarde, regarde, il y a marqué ton nom, con. Mais ton nom.